ça c'est toi le meilleur, plus hardcore. Je représente la rue, faut qu'on se prosterne, t'es trop fort. Tu dis que tu vas la coque et que tu tires sur les autres, fusil à pompe. Si t'avais fait le quart de ce que tu racontes, à l'heure actuelle tu serais encore un toll. B2OB, méfie-toi quand je balance mes obus. Ici c'est pas l'Amazonie, je t'expédie au Zimbabwe. Je te braque ta caisse si tu rentres en bus ou en taxi si t'as de quoi payer. T'as toujours la pêche à l'écoute de ce couplet. T'as beau être blindé de cash, sache que le pognon fait pas le respect. Tu l'avais planqué ou ton flingue à ta daronne s'est fait kidnapper. Je suis venu en paix comme George Bush, j'la fais en Irak. Carafe d'eau dans les pupilles postes quand tu portes plainte contre tes ex-potes. Tu passes du 45 au 6-35, calibre de bonne femme, le genre de flingue de nain que les putes gardent dans leur sac. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Joue pas les chromas si tu veux pas qu'on te mette la gueule. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Fais gaffe à toi, le prédateur est dans le secteur. Ce qui paraît t'es pas un fèche mais un mousseline. Ah ouais. T'es pour un an, rien à voir avec l'islam. Eh ouais. T'hésites les jeunes dans le haram, tu te considères comme un bonhomme. T'es bon qu'à des blatteries, des conneries dans les albums. Que tu vends aux enfants de riches et de prolétaires. Ton fond de commerce, le malaise social des cités et sa misère. Le cul vit, c'est dans le bac et du coupé, casquette baissée. Évite les coins trop hoches pour pas te faire haga. Mais t'es pas le seul dans ce cas, je te rassure. Ils sont nombreux à vouloir ta place, ça assure. Tatouage sur tout le corps, autour du cou, chaîne en or. T'es pas au courant qu'en islam, ce métal est réservé aux femmes. Fais confiance aux X-Men et demande conseil à l'imam. Fais-nous plaisir, cesse de te la jouer musulman. Si je t'ai blessé, viens pas me le dire, dis-le aux flics. Et tu peux toujours appliquer avec toute ta clique. Alors écoute, viens, j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, viens, pour moi MC t'es qu'un tocard. Joue pas les chromas si tu veux pas qu'on te pète la gueule. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Fais gaffe à toi, le prédateur est dans le secteur. Tu parles de ring mais t'as pas les épaules. Tu devrais faire une paire de rounds avec Jean-Marc, on rigole. Et là ce sera toi qui seras mort mec. Alors c'est Michael Jackson et la drogue qui ont mis les négros à la mode. Que tu vas soigner mon petit ourson, y'a pas à dire t'es bien malade. Faudrait que tu redescendes sur terre, car à la sortie de concert on t'a vu courir le 100 mètres, appelle ça comme tu veux. Rançon de la gloire, retour de flamme pour un baltrin qui se la pète. Croisant mon expérience, souvent les regards de verre finissent avec arcade ouverte. Ta dernière jaquette est à mourir de rire, torse nu derrière ta fenêtre. Oh putain, flingue à la main, tu joues les balèzes. T'as poussé un peu de fente, ça y est, t'es chaud comme la brève. Comme une girouette, tu t'orientes dans le sens du vent. Tu tournes la veste à la première brise, t'es décevant. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Joue pas les chromas si tu veux pas qu'on te pète la gueule. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Fais gaffe à toi, le prédateur est dans le secteur. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Joue pas les chromas si tu veux pas qu'on te mette la gueule. Alors écoute, bien j'étais dans le collimateur. Pour moi t'as rien de météore, t'as pris la mauvaise trajectoire. Alors écoute, bien pour moi MC t'es qu'un tocard. Fais gaffe à toi, le prédateur est dans le secteur.